Chapitre 13e. Le lendemain, je priai mon hôte de faire débarrasser la chambre qui m'était destinée de tout ce qui l'emplissait. Il trouva que rien n'était plus juste. Mais il n'en persista pas moins à s'occuper exclusivement du soin de faire vider ses malles et d'en ménager tout ce qui était à lui. Bien des jours s'écoulèrent ainsi. J'eus le temps de songer à tous les services que j'avais rendus à ce personnage pour m'assurer de ses bons procédés. Ne m'étais-je pas enhardi jusqu'à exposer et recommander ses plans de colonisation à l'empereur? Il m'avait dissuadé d'emporter mon argent, se chargeant, me disait-il, de me défrayer de toutes choses. Il devait revenir avec moi à Rio, et alors je le rembourserais. J'étais donc à sa merci. La perspective n'était pas riante. Je voulais avoir une explication avec lui. Je me plaignis du peu d'attention qu'il prêtait à mes demandes, à mes prières. Il parut extrêmement surpris. « N'étions-nous pas convenus, me dit-il, d'agir sans façon l'un avec l'autre ?» Mais comme au sujet du sans façon la partie entre nous n'était pas égale, je lui déclarai que j'avais envie de m'en aller. Il se récria, me fit de belles protestations, et cette fois encore je me résignai. Ma chambre fut enfin mise en état de me recevoir. Un matin, j'obtins le secours d'un ouvrier qui, armé de marteaux et de vrilles, me prêta son aide pour confectionner un tout petit laboratoire nécessaire à mes premiers essais de photographie. Si je mentionnais spécialement des vrilles, c'est que les bois du Brésil ne permettent pas, tant ils sont durs, aux clous seuls de les entamer. Ceux qui se nomment planches au Brésil pèsent autant que le madrier en Europe. La petite pièce, destinée à me servir de cabinet, d'atelier, de chambre à coucher, de laboratoire pour l'histoire naturelle, n'était éclairée que par la porte. Le toit couvert de branches de palmiers s'avançait très loin et donnait de l'ombre plus qu'il n'en fallait, mais ce qui était à certains égards un inconvénient était racheté par l'avantage d'arrêter un peu le soleil. Dans mon installation, les planches massives et les tonneaux vides jouaient le principal rôle. Les interstices des planches, qui formaient les cloisons de mon petit cabinet de photographie, furent bouchés avec du papier et du foin. Deux tonneaux me servirent de table, et j'eus pour chaise une caisse sur laquelle j'avais cloué des morceaux de latania. De ma vieille natte, je me fis une porte. J'avais tout juste de quoi entrer et sortir, rien de plus. Sur toute la longueur de ma chambre, je disposais en tablette les deux plus grandes planches et les deux plus grands tonneaux vides furent remplis de 1000 objets nécessaires. Tout autour du cabinet s'étalaient mes habits qui achevaient de couvrir les intervalles des planches, déjà en partie masqués par du papier. Je mis alors en ordre les outils qui devaient servir à chacun des états que j'étais venu exercer dans les bois. En première ligne venait la boîte aux couleurs, les papiers préparés pour le dessin et destinés à composer plus tard un album. Après quoi, je posais sur la planche une petite bûche en guise de cloison. Plus loin, je rangeais les flacons, les épingles, les planchettes d'aloès que j'avais sciées et passées à la râpe. Dans le troisième casier furent déposés les scalpels, les ciseaux, le savon arsenical, les balances. Je ne dois pas oublier le livre où je devais apprendre les premiers éléments de la photographie, art auquel j'étais alors aussi étranger qu'à celui de préparer les animaux qui d'ailleurs n'étaient pas encore tués. Dans le même casier que les balances se trouvaient les produits chimiques. Une fois les instruments de toutes mes diverses branches classés, je songeais à travailler. Cependant, il me fut démontré que tout n'était pas terminé. Par économie, j'avais voulu me priver de l'attente nécessaire à la photographie. Il ne me fallut pas longtemps pour me convaincre qu'il m'était impossible de m'en passer. Puis le premier jour où je voulus essayer de faire de la photographie, je cassai mon verre dépoli et l'humidité fit décoller tous mes instruments. Je passai 15 jours à réparer ces malheurs en même temps qu'à me faire une tente, au moyen de quelques étoffes que je trouvais dans mes malles et 2-3 jupons déguenillés empruntés à la vieille cuisinière. J'eus d'ailleurs l'heureuse idée d'adapter ma tente à mon parasol de paysagiste. J'attachai à chaque baleine une ficelle, puis, à l'aide de pieux que je fichai en terre, je fis en sorte que ma tente ne fût pas trop bousculée par le vent. Or, ce vent du Brésil vient régulièrement tous les jours vers 8 heures du matin. Tout bien considéré, il me parut qu'il serait assez difficile d'obtenir un résultat photographique quelconque. Avant 8 heures, trop d'humidité, après 8 heures, trop de vent, le moyen de rien faire de bon. Je commençais à croire qu'il serait sage d'abandonner la photographie et de revenir tout simplement à la peinture. D'autant plus que les pluies, qui alors tombaient à torrents, ne me permettaient plus de sortir. J'avais des Indiens sous la main et je résolus de composer un tableau. Mais comme dit le proverbe, j'avais compté sans mon hôte. Au premier mot sur ce sujet, il me fit des objections. « Les Indiens sont superstitieux, me dit-il, jamais ils ne voudront poser. » Quant à lui, il trouvait trop délicat de le leur proposer. Je parvins néanmoins à persuader et à peindre de nos Indiens domestiques. Il ne fallait pas songer à en persuader un second. Polycarpe s'était déjà montré fort mécontent. J'avais exprimé le désir d'avoir un canot et un homme pour me ramener vers un de ces endroits de notre route fluviale, d'où j'avais rapporté tant de beaux souvenirs. L'homme et le canot ne venaient point. Pour éviter le vent, j'avais conçu l'idée d'aller dans l'intérieur des bois et d'y faire mes études au moyen de photographies. Mais pour cela encore, me fallait-il un homme, car il s'agissait de porter un bagage assez lourd. Impossible de trouver cet homme. Un jour, cependant, je rencontrai un Indien. Je liai conversation avec lui, je lui prêtai mon fusil, de la poudre, du plomb, et il tua quelques oiseaux. Alors je lui proposai adroitement de rester auprès de moi et de m'accompagner dans mes courses, lui expliquant qu'une fois mon bagage porté chaque matin dans le bois, il serait libre de chasser en m'attendant. Je dois reconnaître, du reste, que c'était mon hôte qui m'avait suggéré cette idée d'engager, pour mon service, quelqu'un à mes frais. J'avais suivi son conseil tout en trouvant ce procédé original de la part d'un individu qui avait beaucoup de domestiques et pouvait sans se gêner m'en céder un chaque jour pour quelques heures. L'Indien n'hésita pas et vint se mettre à ma disposition. Mais aussitôt l'Italien le fit travailler pour lui-même, en me disant que c'était un paresseux qui ne me conviendrait pas. Ainsi, tout me manquait, tout m'échappait, grâce à ce sentiment d'obligeance inépuisable. Je n'avais de ressources que la chasse, quand la pluie me permettait de sortir. En peu de temps, je devins fort habile. Ma chasse terminée, je préparai mes oiseaux, mes mammifères, mes serpents. Quant aux insectes, il eut fallu des boîtes pour les renfermer, et j'avais négligé d'en apporter, m'étant fié aux promesses que mon hôte m'avait faites à Rio. Heureusement, les boîtes à cigares n'étaient pas rares. Je sciai de petites planchettes de cactus, je les collai au fond des boîtes, et peu à peu mes collections trouvèrent à se placer. Je passai ainsi la fin de novembre et le mois de décembre dans des occupations tout autres que celles qui avaient pour moi une réelle importance. À défaut d'Indiens, j'aurais du moins voulu faire des paysages. J'attendais le retour du beau temps avec bien de l'impatience. Provisoirement, j'avais choisi pour sujet de tableau un naturaliste entouré du produit de ses explorations. Aux heures favorables, j'allais au plus près choisir quelques fleurs, mes seuls modèles possibles. Un soir, je revenais d'une de ces excursions chargée de fleurs que j'avais été chercher bien loin. Je descendais dans un sentier alors changé en torrent. J'étais nu-pied et j'avais de l'eau à mi-jambe. La nuit approchait rapidement, car dans ces contrées il n'y a pas de crépuscule. On passe du grand jour sans transition à la nuit, sautant pour éviter d'enfoncer au milieu des détritus de toute espèce que les eaux emportaient. Je marchais sur un objet gluant et mou. C'était un de ces énormes crapauds que les Indiens appellent « sapeboy », crapaud bœuf. Familiarisé déjà avec de pareilles rencontres, je jetai sur le crapaud ma veste, puis je mis le pied par-dessus, et malgré sa résistance, je l'attachai par les pattes de derrière. Une fois le crapaud ainsi suspendu en l'air, il me fut facile de l'apporter sans crainte d'être mordu. Les Indiens, après leur travail, se reposaient à la porte de la case. Ce fut une grande partie de plaisir pour tout le monde que ce crapaud, car une fois à terre, il s'élança sur moi pour me mordre, en ouvrant une gueule formidable et en jappant comme une hyène. J'aurais bien voulu enrichir ma collection d'un individu aussi intéressant, mais je ne savais comment m'y prendre pour le tuer sans le détériorer. Pour me tirer d'embarras, Monsieur le Feitor, qui était présent et avait pris sa part de la gaieté inspirée par les grâces de mon crapaud, trouva un moyen aussi simple que facile. Avant qu'il ne me fût possible de l'en empêcher, il brisa la tête de l'animal avec une pierre. Je l'aurais battu, le malheureux, il avait gâté mon sujet. Cependant, à force de soins, j'ai rendu le crapaud monstre à sa première forme, et aujourd'hui ce n'est pas l'un des moindres ornements de ma collection. Le matin suivant, j'allai voir ce que faisait un groupe d'Indiens dans une espèce de parc où l'on enfermait les bœufs. Mon hôte avait tout récemment acheté plusieurs de ces animaux, et comme en jouant seulement ils pouvaient blesser les gens, on leur sciait le bout des cornes. Je fus bien surpris quand je vis par quel procédé. C'était tout simplement une ficelle qui faisait l'office de scie. Depuis, j'ai plusieurs fois vu répéter cette opération, et j'avoue que si je l'avais seulement entendu dire, j'aurais eu de la peine à y croire. On m'avait parlé bien souvent, depuis que j'étais au Brésil, d'un affreux serpent, le plus grand des crotales, le sucuruyu. Quand j'exprimais à mon hôte le désir d'en tuer un, ses cheveux se dressèrent sur sa tête. « Que Dieu vous préserve !» me dit-il, d'une pareille rencontre, « c'est la mort certaine !» Non seulement le monstre a des crochets à venin et un dard dans la gueule, mais il a un autre dard à la queue, et il ne fuit jamais. Il me répétait ainsi une chose que tous les Indiens affirment de bonne foi. Du reste, en laissant de côté la fable du dard dans la gueule et dans la queue, j'étais convaincu de la force prodigieuse du sucuruyu, et je savais que le poison qu'il distillait à la plus légère morsure était mortel. Un jour, je guettais quelques oiseaux, enfoncés jusqu'aux genoux dans les hautes herbes d'une prairie, lorsque j'aperçus tout à coup une tête et deux yeux flamboyants dirigés sur moi. En vrai citadin d'Europe, j'éprouvais encore à cette époque une espèce de frayeur, rien qu'à voir un reptile, quelque petit qu'il fût d'ailleurs. La peur était plus excusable dans la circonstance où je me trouvais. On m'avait dit que le sucuruyu s'élançait sur tout ce qui passait à sa portée. Aussi, reculant avec précipitation, je commençais par mettre une distance raisonnable entre le serpent et moi. Un peu rassuré, je me mis à délibérer sur le parti que je devais prendre. Valait-il mieux m'en aller tout à fait, ou ferais-je bien de me rapprocher pour tirer sur le monstre? Ce dernier parti était chanceux. On m'avait prévenu que si par malheur on manquait son coup, le serpent, lui, ne manquerait pas le sien. Tout en discutant avec moi-même, j'avais glissé deux balles dans mon fusil. La tête du serpent avait disparu, mais certaines ondulations dans les herbes me révélaient sa présence. Donc, après avoir regardé derrière moi, pour m'assurer du chemin à prendre en cas de retraite, je tirai sur une touffe sous laquelle je venais d'apercevoir à l'instant l'énorme tête du serpent. La difficulté était ensuite de s'assurer s'il était mort. Il pouvait n'être que blessé. Rien ne bougeait. J'attendis un quart d'heure avant d'approcher, et ce fut seulement après avoir rechargé mon fusil qu'enfin je me décidai réellement à aller reconnaître en quel état était mon terrible ennemi. Décidément, j'étais un brave, un véritable foudre de guerre. Quelque temps avant, un mannequin était tombé sous mes coups. Aujourd'hui, je venais de tuer un crabe. Mais que faisait ce crabe dans une prairie, loin de la rivière, et pourquoi avait-il un morceau de liane à la patte? Avec un peu de réflexion, je m'expliquai bientôt ce phénomène. Les Indiens avaient rapporté la veille une très grande quantité de crabes de la pêche, et ils les avaient sans doute attachés par les pinces. Celui-ci s'était esquivé chemin faisant, et ne savait que faire de sa liberté quand je l'avais rencontré. On comprendra que je ne fus pas très empressé de me vanter de ce nouvel exploit.